Nasendeki eklezi, mokonem paigali, mokonem seke pouzi, otadis no makafe, deni kriol map chante, si bagay we kompoze, no men tou chante espayol, de tans a tan nou fo kriol, no men tou chante espayol, de tans a tan nou fo kriol, map jete saki pou nou, ap ramase sak pa pou nou. Yo fe yo voye ba nou, an nou fe voye ba yo tou. Fok nou chache fe ilan, avan nou fe gosha bilan. Lang nou pa lang espanyol, fok nou kapap chante kriol. Lang nou pa lang espanyol, fok nou kapap chante kriol. Se neki